La lune rouge, le monstre de la semaine, des méchants s'y veulent qu'à la moindre chance de victoire, ils se trahissent entre eux. Un combat qui tourne toujours à la faveur du héros, un soleil couchant. Le tout pendant 74 épisodes, à la structure calquée les uns sur les autres. Qu'y a-t-il de plus classique et de plus redondant qu'un épisode de Goldorak ? Et malgré cela, près de 50 ans après sa création, le Colosse d'Acier connaît en France un succès, que dis-je, un amour, qui a poussé plusieurs auteurs de bandes dessinées de SF à produire un nouvel album avec l'imprimatur du créateur original Gonagai. Pourquoi aime-t-on autant Goldorak ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Goldorak, figure au point, c'est tout. C'est le programme à double demi-tour qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour répondre à cette question cornue, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux des auteurs de la nouvelle bande dessinée Goldorak, publiée chez Cana Édition Classics. Xavier Dorizon, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-scénariste. Denis Bajram, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-scénariste et dessinateur. Vos trois autres compères sont Brice Cossu, Alexis Santenac et Johan Guillot. Et je suis ici en studio avec Mathieu Pinault. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Journaliste spécialisé en pop culture japonaise. Mais avant cela, le journal des sciences. Bon, ça marche moins bien qu'avec Narus. C'est Natacha Trio. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans la revue Nature qui décrit la découverte d'une exoplanète qu'on ne pensait pas pouvoir exister. Une équipe internationale a utilisé un instrument sphère du Very Large Télescope au Chili pour faire de l'imagerie directe. Les chercheurs ont observé le système B Centauri à 318 années-lumière de nous dans la constellation du Centaure. Un système où tout est plus gigantesque que ce que l'on observe dans notre propre système solaire. Ils ont obtenu l'image directe de B Centauri B, une exoplanète géante qui fait 10 fois la masse de Jupiter. Jamais nous n'avions détecté de planète si massive. Elle orbite autour d'un couple d'étoiles qui sont elles-mêmes extrêmement massives, qui font à elles deux 10 fois la masse du Soleil. Et B Centauri B orbite à une distance de 500 unités astronomiques de ce duo stellaire, ce qui est de l'ordre de 100 fois la distance entre le Soleil et Jupiter. Cette découverte vient remettre en question les modèles de formation des planètes. Arthur Vigan est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il est le lauréat 2021 de la médaille de bronze du CNRS et le co-auteur de cette étude. En fait, jusqu'à maintenant, les études avaient de recherche d'exoplanètes relativement proches de leurs étoiles avaient montré que au-delà d'étoiles de environ deux fois la masse du Soleil, on trouve de moins en moins d'exoplanètes, et même on n'avait jamais détecté de planètes autour d'étoiles qui font plus que trois fois la masse du Soleil. Et donc là, c'est vraiment particulier parce qu'on trouve autour d'un système d'étoiles qui fait dix fois la masse du Soleil, là on trouve une planète géante de dix fois la masse de Jupiter. Donc c'est intéressant parce que les modèles jusqu'à présent, on avait essayé d'expliquer ça, comme quoi en fait les étoiles très massives, elles rayonnent énormément dans les UV, dans les rayons X, et donc on pensait qu'elles faisaient s'évaporer très rapidement le disque protoplanétaire dans lequel les exoplanètes se forment, et que du coup les planètes n'avaient pas le temps de se former dans ces disques-là. Mais là, du coup, on trouve ce système qui est particulier, avec une planète très loin. Et donc ça remet un peu en question ce qu'on pensait savoir jusqu'à maintenant. Oui, c'est-à-dire qu'avec des étoiles avec un rayonnement à haute énergie, cela aurait accéléré l'évaporation de la matière environnante, selon les modèles. Tout à fait, et du coup on pense que proche des étoiles aussi massives, en fait on ne peut pas former de planète. Mais là la distinction, c'est qu'en fait cette planète, elle est située très loin de l'étoile, donc peut-être que ça met en jeu des mécanismes de formation qui sont différents de ceux qui auraient pu avoir lieu proche de l'étoile. En bref, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier avoir peur que les pays riches ne s'accaparent toutes les doses de vaccins contre le Covid-19. Oui, face à l'émergence du variant Omicron, il y a un risque que les stocks mondiaux soient une nouvelle fois redirigés vers les pays à haut revenu qui veulent accumuler les vaccins pour protéger leur population jusqu'à l'excès. L'OMS a peur d'une nouvelle frénésie d'achat de vaccins par les pays riches au détriment des pays les moins favorisés. Elle rappelle qu'en Afrique, seuls 7,8% de la population sont entièrement vaccinés et ajoute, je cite, « Si nous ne livrons pas de vaccins à tous les pays, d'un point de vue épidémiologique, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas non plus du point de vue de la transmission. » Mais également dans l'actualité des sciences, cette semaine, Natacha est en ultra bref. Cette semaine, la NASA a amélioré son système de surveillance des impacts d'astéroïdes. Le programme Sentry 2 est maintenant en ligne. L'algorithme a intégré de nouveaux facteurs pour débusquer le plus petit risque d'impact caché dans les données. Sentry 2 permet de calculer avec plus de précision les orbites de 28 000 astéroïdes sous surveillance, dont 2200 potentiellement dangereux. Cette semaine, un nouvel état de la matière vient d'être observé pour la première fois. Après l'état solide, liquide, gazeux, plasma ou l'état superfluide, voici à présent le liquide de spin quantique. Cet état exotique fait l'objet d'hypothèses depuis des décennies, mais des physiciens viennent de l'observer en laboratoire. La découverte est potentiellement importante pour l'informatique quantique. Et enfin cette semaine, on découvre que les chiens comprennent en moyenne 89 mots et expressions. 165 propriétaires et leurs chiens ont passé un test de contrôle de vocabulaire que l'on utilise normalement pour les nourrissons humains. Certains chiens peuvent même comprendre plus de 200 mots, soit le niveau d'un enfant de 2 ans. D'autres études sont en cours pour mieux comprendre le niveau de compréhension du langage humain chez les espèces canines. Dans un instant, je vais infliger à mes invités un test en direct sur les armes les moins connues de Goldorak. Optofisseur, Mathieu Pinon. Oula, effectivement, vous êtes cherché loin. Mais je pense que Xavier Dorizon risque de vous surprendre. Xavier Dorizon, optofisseur. Ah, ben non, ce sera le générique du journal de la science-fiction d'abord. Le CNSA, l'Administration Nationale de l'Espace de Chine, a déclaré, Natacha, avoir détecté une cabane d'extraterrestres sur la Lune. C'est une annonce faite évidemment sur le ton de la malice. Depuis 2019, le rover chinois Yutu 2 explore la face cachée de la Lune et il vient d'identifier à 80 mètres de distance un drôle d'objet, un objet de forme rectangulaire. Alors, l'agence spatiale chinoise l'a donc prénommé la Maison Mystère et depuis, il y a de nombreuses spéculations à son sujet. On a aussi pu lire qu'il s'agissait d'un monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors ce n'est pas la première fois que cette sonde découvre des objets originaux sur la Lune. Récemment, Yutu 2 a observé un rocher de forme spirale, un peu allongé. Stéphanie Lizzie Destrez est enseignante-chercheuse à l'ISAE Supaéro. Il est peu probable qu'il s'agisse d'une construction extraterrestre. Effectivement, la Lune est un objet de fantasme pour l'humanité. La plupart de ces formes, ce sont des résultats d'impact. Il faut savoir que la Lune, elle est très souvent bombardée, soit par des tout petits débris de météorites, soit par des morceaux un peu plus gros. On peut avoir jusqu'à 180 impacts par an qui forment des cratères de plus de 10 mètres de diamètre. Donc ce sont des gros impacts. Et après, on a aussi des tout petits impacts. Sur la Terre, on est protégé parce qu'on a une atmosphère et ces débris sont détruits dans l'atmosphère. La Lune n'ayant pas d'atmosphère, il va y avoir des impacts très réguliers. Et donc lors des chocs qui génèrent une grosse dépense d'énergie, une très haute température, on a les solides qui se transforment, qui vont rentrer en fusion. Et lorsqu'ils refroidissent, ils sont dans des phénomènes de cristallisation, on va avoir des formes un peu géométriques qui peuvent se produire. Ce qu'il y a, c'est que par exemple sur Terre, ces formes-là, elles vont dépendre du sol dans lequel ça va se produire, parce qu'il peut y avoir des chocs avec les matériaux autour. Vous allez avoir de l'érosion naturelle due au passage de la pluie, de l'eau, du vent. Sur la Lune, il y a de l'érosion, mais beaucoup des phénomènes qui sont beaucoup moins importants. Donc c'est pour ça qu'on voit des arêtes bien nettes qui peuvent rester et qui montrent justement la jeunesse de la création de ces objets. Ces prochains jours, la sonde Yutu 2 va approcher de cet objet pour faire une analyse plus précise. Qu'est-ce que ça va nous apprendre, cet examen plus approfondi de cette roche? Ça va nous apporter effectivement des renseignements sur le météorite, sa composition, pour voir que les météorites transportent des enseignements sur l'origine de notre système solaire, puisque ce sont des objets qui sont assez anciens et qui donc nous aident à remonter dans le temps et à comprendre comment notre système s'est formé, comment nos planètes se sont formées, donc c'est très très intéressant d'un point de vue planétologie et astrophysique. En bref, la firme Engineered Arts a créé Ameca, le robot de forme humaine le plus avancé au monde. Ameca, le futur visage de la robotique. C'est le slogan de cette société de robotique britannique qui vient de dévoiler deux courtes vidéos assez troublantes de leur dernier robot humanoïde. Alors nous n'avons qu'un aperçu de moins d'une minute, mais on y voit Ameca se réveiller et s'étonner du monde qui l'entoure avant de finir sur un sourire. Il présente un grand nombre d'expressions faciales, de mouvements musculaires et de commandes de motricité fine qui dépasse en réalisme ceux de Sophia, la ginoïde saoudienne. Engineered Arts présentera son robot au CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas, en janvier. Côté fiction, toujours des nouvelles du Festival du film fantastique de Gérard Armé qui se déroulera au mois de janvier. Oui, après une édition virtuelle, cette 29e édition se tiendra en chair et en os du 26 au 30 janvier dans les Vosges. Et le festival vient de dévoiler son invité d'honneur. Il accueille un grand nom de la science-fiction, l'américain Nicholas Meyer, romancier, réalisateur, producteur, il est connu pour son implication dans l'univers Star Trek, pour la télévision et pour le cinéma. Par ailleurs, le jury des longs métrages de cette édition 2022 sera présidé par l'actrice, réalisatrice, productrice et metteuse en scène Julie Gayet, qui a notamment produit le film Grave de Julia Ducorneau, le grand prix du Festival de Gérard Armé en 2017. Voilà, Festival de Gérard Armé dont France Culture et la méthode scientifique sont partenaires. Côté fiction, toujours une nouvelle revue de SF vient de voir le jour. Il s'agit de la revue Cérès, une revue numérique en ligne, complètement gratuite, créée par l'essayiste et romancier Étienne Barillier. Alors ce fanzine SF est disponible sur toutes les plateformes de bibliothèque numérique. Elle est gratuite, mais elle paye ses collaborateurs et elle se pense comme un joyeux champ d'expérimentation avec des articles et des sélections de nouvelles. Alors attention, Cérès est aussi une revue éphémère. Chaque numéro chasse le précédent. Et pour conclure, comme chaque vendredi, par notre rubrique de Science Improbable, une étude parue dans Scientific Reports élucide un mystère. Pourquoi les hippopotames se baignent-ils dans des piscines d'excréments? Dans la rivière Mara, en Afrique de l'Est. Et non pas marron. Facile. Une équipe internationale a sondé les profondeurs des bassins d'hippopotames où les eaux présentent des concentrations très élevées de matière fécale et où les 4000 hippopotames s'y prélassent environ 16 heures par jour. Alors, le séquençage génomique de ces piscines a montré que ces animaux transfèrent leurs microbiomes intestinaux vers ces eaux. Cela crée une sorte de chèque probiotique qui profite aux hippopotames, mais aussi au reste de la faune et de la flore environnante. Alors voici un nouveau concept, celui de méta-intestin, où quand le microbiome intestinal fonctionne en dehors de l'hôte et qu'il influence la biogéochimie des écosystèmes, les chercheurs veulent explorer ce concept de méta-intestin chez d'autres espèces. Voilà, c'est méta-intestin qui ne signifie pas human centipede non plus. Merci beaucoup. Natacha, à lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Si Goldorak arrive au départ, un peu en catimini d'ailleurs, pendant l'été 1978 en France, au Japon, il est la troisième incarnation d'un nouveau genre de dessin animé qui a totalement révolutionné l'animé jeunesse depuis plus de 4 ans déjà, le genre mecha, initié dès 1974 avec le prédécesseur de Goldorak, Mazinger Z. Goldorak, UFO Robo Grandizer en version originale, est en fait le troisième volet d'une série d'aventures de robots géants qui a eu l'effet d'une déferlante sur l'animé jeunesse au Japon. Le principe est simple, répétitif et diablement efficace. Un robot géant piloté par un être humain qui défait inlassablement, épisode par épisode, des forces maléfiques qui veulent s'emparer de la Terre. Reste une question essentielle. Pourquoi ce dessin animé a-t-il créé une telle onde de choc en France, en étant à la fois culturellement éloigné d'une tenue narrative pas particulièrement originale et très répétitive? Et pourquoi cette onde de choc perdure-t-elle avec tant de nostalgie et de ferveur près de 50 ans plus tard, au point qu'une nouvelle bande dessinée originale vient de voir le jour en France, sous la plume et le crayon de deux de nos invités, Denis Bajram et Xavier Dorizon? Mais vous comprendrez bien qu'il m'est impossible de commencer cette émission sans cela. Le générique original de Goldorak Grandizer, donc en japonais, avec cette question pour commencer nos discussions, messieurs, est-ce que Goldorak, finalement, c'est vraiment de la science-fiction, Mathieu Pinon ? Ah, alors, c'est une excellente question, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment se la poser. À l'époque, oui, c'était de la science-fiction. Le principe d'un robot géant qui puisse se mouvoir de lui-même était surréaliste à l'époque. Aujourd'hui, les Japonais ont réussi à concevoir, alors c'est une autre licence qui s'appelle Gundam, mais ils ont réussi à concevoir un robot géant qui se meut. Gundam qui est de 78. 79, très exactement. 79. Mais il y a effectivement un côté très science-fiction qui est même plus poussé que dans les séries précédentes que vous évoquiez, à savoir Mazinger Z et Gret Mazinger. Puisque à l'époque, les adversaires du robot géant étaient terrestres. On avait des savants fous, on avait des créatures souterraines. Et là, c'est la première fois que les méchants viennent de l'espace. Donc c'est cette dimension spatiale qui vient vraiment affirmer que oui, Aggrandizer, Goldorak, est une œuvre de science-fiction. Xavier Derizon, votre point de vue ? Je dirais que c'est plus de la fiction que de la science. Parce qu'en fait... Goldorak ne s'explique pas, ne justifie pas et n'est pas l'expression dans le futur d'une sorte de signal faible de la science. D'ailleurs, quand on a commencé cette aventure avec Denis Bajram, on s'est posé la question de savoir si par moment on allait expliciter le fonctionnement de Goldorak. Et très rapidement, on s'est rendu compte que non, que Goldorak, ça devait rester de la magie. Mm-hmm. Et pour conclure, je dirais une sorte de merveilleux plutôt que de science-fiction. Et pourtant, Denis Bajram, dans toute l'histoire de Goldorak, effectivement, à contrario de Mazinger Z et Gret Mazinger, ça se passe dans un centre d'études spatiales. Il y a tout de même un contexte, ou en tout cas un enrobage scientifique qui veut donner une texture, en tout cas scientifique, à la narration de ces histoires. Bah, moi, je dirais que c'est la SF des années 70. On retrouve déjà au niveau visuel, hein, on retrouve un robot très rond, très pas du tout Star Wars, mais au contraire beaucoup plus du côté de la fusée de Tintin ou des vaisseaux de Star Trek, l'original. Et le contexte scientifique est très pseudo-science. On trouve ça dans beaucoup de séries. On trouve ça dans les séries anglaises de l'époque. Je pense à UFO à l'ère de l'espace, par exemple, qui a sans doute été une des inspirations. Il y a un côté, c'est vraiment une SF très datée, mais qui était vraiment en effet purement de la SF à l'époque. Alors, donc, je le disais, hein, Goldorak arrive en France dans l'été 78. C'est un phénomène très français, franco-italien, parce que ça a beaucoup marché en Italie, beaucoup moins d'ailleurs, beaucoup moins au Japon. Hein, le Mazinger Z, mais on va y revenir, Mathieu Pinon, qui est le premier donc de la trilogie de ces robots et méca géants de Go Nagai. Comment vous expliquez le fait que Goldorak ait eu ce retentissement-là en France et qu'il l'ait d'ailleurs encore beaucoup plus que d'autres dessins animés de la même époque, de ces programmes jeunesse de Jacqueline Joubert, que peuvent être Albator ou Capitaine Flamme, par exemple? Alors, je pense qu'il y a vraiment une espèce de conjonction des planètes. Tout d'abord, pour l'anecdote, Antenne 2 avait voulu passer en été, en juillet, un petit peu en catimini, en se disant, bon, bah, les enfants seront en vacances, et le jour de la diffusion du premier épisode, il pleuvait des cordes. Ce qui fait que tous les enfants se sont retrouvés devant leur téléviseur et ont pris Goldorak en pleine face, littéralement. Il y a cette première chose. Et la deuxième chose, c'est que, à l'époque, les divertissements pour jeunesse ont été sur des choses qui étaient très très sages, très enfantines, voire très puériles. Alors, on avait des Aglaé et Sidonie, des Saturnin et autres chapi-chapeaux. Et là, pour la première fois, on avait vraiment de l'aventure, de l'action, l'action vraiment débridée qu'elle est en tambour battant. Et c'est quelque chose auquel tous les enfants aspirent. Quand ils lisent des romans d'aventure, ils ont envie que ça bouge. Et par conséquent, tout le monde était subjugué. Et le troisième critère, c'est comme on n'arrête pas de le répéter depuis le début, c'est la troisième œuvre d'une série de robots géants. Il y avait un tel succès des deux premières séries au Japon que la Toei Animation, qui a produit la série, a fait en sorte d'avoir un niveau qualitatif particulièrement élevé pour une série de l'époque. Et donc, non seulement c'est une série d'action, mais c'est une série particulièrement bien animée et réalisée pour l'époque. Donc, vous prenez tous ces facteurs réunis pour les enfants, c'est quelque chose d'inédit et surprenant, et tout le monde a accroché, et c'est devenu un phénomène générationnel. Bien sûr, mais à la même époque, il y a donc d'autres dessins animés. Il y a pas encore. Albator, Capitaine Flamme arrive après, mais la Bataille des Planètes, c'est à peu près concomitant. Je ne suis pas sûr. Force gênant. Et qui plus est, la Bataille des Planètes a eu ce défaut pour elle d'avoir été charcutée et remontée par les Américains pour pouvoir correspondre, soi-disant, au public occidental, avec notamment la présence d'un petit robot totalement inspiré de R2-D2 pour faire plus américain. Et ça, je pense que ça a desservi la série. Goldorak avait vraiment quelque chose d'inédit et d'autant plus, je pense que la VF alors je ne peux pas parler pour l'Italie en l'occurrence, mais la VF qui donnait des noms d'étoiles aux héros a vraiment ajouté une dimension supplémentaire à cet impact. Et personnellement, je suis trop, je suis né en 77, donc je n'ai pas pu prendre Goldorak en 78. En revanche, Xavier et Denis ont connu la série à sa première diffusion et ils sont très très bien placés pour expliquer à quel point ça les a impactés eux-mêmes. Eh bien alors, justement, Xavier et Denis, je vous écoute. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que Goldorak est à ce point-là marqué les imaginaires plus que les autres séries de space opéra ou d'aventure spatiale de cette époque, même si elles sont arrivées quelques mois ou quelques années après? Xavier, pour commencer. Bah, c'est ce qui vient un peu d'être dit. Je crois que, bien sûr que c'est le fait que ce soit la première, mais je pense pas que ce soit le seul critère. C'est-à-dire que la qualité a beaucoup joué. On a écouté tout à l'heure, là, au début de l'émission, une partie de la bande originale qui était signée de Shunsuke Kikuchi. C'est un des plus grands compositeurs de musique d'anime japonais. Et vous voyez à quel point cette musique, elle est entraînante, elle est prenante. Et rien que ça, déjà, c'était génial. Il suffisait d'entendre le générique pour voyager. Si on rajoutait un mélange de doublage d'une grande qualité, parce qu'effectivement, c'était des grands acteurs qui s'en occupaient. Vous aviez des scénarios, et on y reviendra, qui étaient en fait beaucoup plus variés que ce qu'on pouvait croire. Des designs parfaits. Et puis... Et puis le lien avec des mythes, et je dirais même des archétypes, au-delà des mythes, même des archétypes de personnages qui sont profondément ancrés chez adultes et enfants, mais particulièrement chez les enfants, et je pense à une sorte d'archétype du guerrier, défenseur, chevaleresque. Vous mélangez tout ça, alors, et vous obtenez quelque chose d'assez improbable, et en même temps totalement fascinant. Voilà, un extrait de cette bande originale orchestrale hein, de Goldorak, qui est effectivement une bande originale de grande qualité, qui sont signées par Shunsuke Kikuchi. Un mot également peut-être, Denis Bajram, sur votre perception de ce succès, et de ce succès une fois de plus au long cours, parce que Goldorak arrive peut-être en premier, mais encore une fois, il n'a pas la pérennité, ou en tout cas le succès au long cours que peuvent avoir ces autres séries concurrentes de la même époque. Il y a un truc qui m'avait vraiment frappé quand j'étais gamin, c'est la première fois que j'avais l'impression qu'on faisait un récit qui s'adressait à moi, pas comme un petit garçon, mais comme un jeune garçon, voire un jeune adulte. La télé de Pompidou, elle était quand même très enfantine quand elle parlait aux enfants. Hein. C'était les jolies créatures, les marionnettes animées à la main, etc. D'un seul coup, on s'est retrouvé avec un récit qui était un récit pour adolescents, en fait, beaucoup plus grave dans ses sujets, avec la vie, la mort, le sacrifice, des tas d'enjeux comme ça qu'on n'avait pas du tout dans ce qu'on voyait à l'époque à la télé. Donc c'était vraiment une vraie rupture. Je pense que la génération qui a aimé Goldorak a été marquée par cette rupture-là déjà dès le départ. Et en effet, on n'avait rien d'autre, hein, la bataille des planètes, tout ça, ça arrive un peu après. Et autant Candy qui arrivait juste après a moins marqué, parce que des histoires à l'eau de rose, même bien faites, on en avait déjà pas mal à l'époque. Albator arrive très peu de temps, Mathieu Pinon, après Goldorak. Il arrive un an et demi après. Oui, mais un an et demi après, pour un enfant, c'est déjà énorme. Quand on a 8 ans, entre 8 ans et 10 ans, c'est plus du tout la même perception des choses. Et justement, Denis a très très bien souligné un point important qui est la gravité de Goldorak au niveau scénaristique. On ne prend pas les enfants pour des enfants, justement. Quand on prend le postulat de départ, alors pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas l'intrigue de Goldorak, pour juste expliquer très très brièvement, la planète Euphor a été ravagée par les troupes de Vega, et une seule personne a réussi à s'en enfuir, à savoir le prince Actarus, et pour s'enfuir, il a réussi à prendre l'arme de destruction la plus importante de l'arsenal de l'Empire Vega, et grâce à cette arme puissante, donc Goldorak, il a réussi à s'enfuir et à s'échouer sur Terre, où il a été recueilli au rang du Bouleau Blanc par le professeur Procyon et d'autres humains. Rien qu'avec ça, on a déjà une première question, c'est une arme extrêmement puissante qui appartenait aux ennemis. Est-ce que, en tant qu'allié, on peut s'en servir? Est-ce que, parce que nos valeurs sont justes, on peut quand même se servir d'une arme extrêmement dangereuse? Deuxième chose, avec Actarus, on a le côté de l'émigration, est-ce qu'on accueille les émigrés? Il y a notamment un épisode où quelqu'un, où Vénusia est malade et il faut la soigner, il faut faire une transfusion sanguine, et il y en a qui refusent parce qu'on va pas lui mettre le sang d'un extraterrestre. Donc il y a ces choses qui sont vraiment en actualité avec une situation très adulte, qui résonne et que les enfants peuvent comprendre, et c'est des thèmes qu'on nous avait pas abordés auparavant. On reviendra d'ailleurs sur cette question des étrangers et de la façon dont vous avez transformé un peu le manichéisme initial en quelque chose de beaucoup plus subtil et d'assez passionnant d'ailleurs, Denis Bajram et Xavier Dorizon, sur ce que vous faites finalement de ce qu'il reste de ce peuple de Vega. On y reviendra tout à l'heure. À quel moment est né rapidement, peut-être Xavier Dorizon, l'envie de dire on va reprendre Goldorak, on va le complexifier, on va faire une bande dessinée pour adolescents, adultes, parce que c'est une bande dessinée qui s'adresse peut-être moins aux enfants de 8-10 ans, quoique d'ailleurs peut-être que si, mais enfin qui parle quand même tout de même beaucoup à la génération initiale, à savoir la nôtre, celle qui a vu Goldorak la fin des années 70, au début des années 80. Ah, c'est venu, alors je dirais pas que c'est un hasard, parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est venu d'une rencontre assez étonnante, et d'un déjeuner qu'il était encore plus il y a maintenant 5 ans. Et j'étais au festival d'Angoulême avec mon éditrice Christelle Houlan, et à la fin du déjeuner je lui raconte un certain nombre d'histoires auxquelles je pense, et puis à un moment elle m'aiguillonne et puis elle me dit mais toi t'es pas un, bah, comme toute une génération d'ailleurs, t'es pas un fan de Goldorak? Et je dis bah si, bien sûr, j'adore, et puis je vais même te dire, dans mes rêves les plus fous j'ai imaginé une histoire, et là je me suis mis à lui raconter. Et c'était déjà cette histoire-là dans les grandes lignes. C'était cette histoire dans les grandes lignes, avec bien sûr plein de choses qu'on a écrites entre temps, mais c'était le même ton, c'était la même époque, c'était cette idée d'une séquelle, comme on dit aujourd'hui. D'une suite. Et voilà, d'une suite. Et en fait, elle me prend au mot, sachant qu'elle m'avait quand même un peu attiré dans un traquenard. Elle me prend au mot et elle me dit, écoute, en fait, je connais très bien Gonagai, ça fait des années qu'on tisse des liens avec le Japon, chez Kana, et si tu me fais un projet sérieux, d'ici un mois, je vais le voir et je lui apporte. Donc ça, vous imaginez, entre la poire et le fromage, donc je me suis d'abord décroché la mâchoire, et puis, bah, comme c'était impossible, je lui ai dit oui, évidemment, et j'en ai parlé dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent, je ne sais plus, à Denis Bajram, d'abord parce qu'il était aussi invité au Festival d'Angoulême, ensuite parce que c'est un ami de 20 ans, et surtout parce que je pensais que c'était à la fois un fan de Goldorak, et je le savais, et un des plus grands auteurs de SF français. Donc c'était la personne idéale vers qui se diriger. Denis Bajram aussi, peut-être un mot, quand notre Xavier Dorizon vous a parlé de cette envie de refaire, de réécrire du Goldorak, est-ce que vous aviez d'emblée l'envie de rendre ce récit plus mature, parce que on y reviendra tout à l'heure, on va revenir un peu sur Gonagai et sur les racines du Goldorak dans un instant, mais tout de même il faut le dire d'ores et déjà, effectivement il y a une dimension, une complexité et une noirceur aussi dans ce nouveau récit qui est assez étrange à la série originelle, quoique d'ailleurs on pourra rediscuter de la noirceur de la série originelle dans un instant. Alors moi, la première BD que j'ai fait quand j'avais 10 ans, c'était une BD de Goldorak. J'ai peut-être appris à dessiner pour pouvoir raconter l'histoire de Goldorak. Donc évidemment, quand on vient me chercher 35-40 ans après pour me dire est-ce que tu veux en refaire une, je suis partant immédiatement. Il n'était pas envisageable de faire quoi qu'il se passe une bande dessinée aussi enfantine que ce que je faisais à l'âge de 10 ans, parce que bah, j'avais 45 ans, 46 ans, maintenant j'en ai 50, vous voyez, quand le bouquin sort, ça fait on n'est plus des gamins, quoi. Donc naturellement, avec Xavier, la question ne s'est pas posée de faire un truc enfantin, la question s'est posée de faire la suite de nos souvenirs d'enfance, mais avec les moyens d'être des adultes qu'on est aujourd'hui, inévitablement, puis les moyens même des auteurs qu'on est aujourd'hui. Moi, ça fait quand même 30 ans que je fais de la BD. J'ai accumulé un petit attirail pour raconter des histoires. On va continuer à discuter de Goldorak, de cette nouvelle adaptation, mais on va revenir aux origines du manga et de l'anime. Les deux sont indissociables, et puis surtout de leur auteur, Gonagai, qui a un parcours de mangaka assez intéressant et qui n'était pas tout à fait destiné à faire à l'origine de la bande dessinée pour enfants. Il est 16h30, vous écoutez La Méthode Scientifique. Nous parlons de Goldorak tout au long de cette heure en compagnie de Mathieu Pinon, Xavier Dorizon et Denis Bajram. Un mot sur Gonagai, Mathieu Pinon. Qui est-il? D'où vient-il? Quels sont ses super pouvoirs? Alors Gonagai, en un mot, c'est très difficile à résumer. Je vais prendre un tout petit peu de temps, mais je vais faire le plus concis possible. Gonagai est quelqu'un de très très particulier. Déjà, il est né en septembre 1945, donc juste entre la bombe, entre les bombes atomiques et la reddition du Japon. C'est quelque chose qui est très marquant pour lui déjà. Il est dans une famille de 5 enfants, il sera le 4e, c'est quelque chose qui est aussi assez original à l'époque au Japon. Par conséquent, il va grandir pendant l'occupation américaine, ce qui fait que les séries qu'il va voir à la télévision, ça va être avant tout des divertissements occidentaux. Quand sa famille va bouger à Tokyo, il va découvrir Gustave Doré, donc il va être fasciné par également une imagerie française. Donc vraiment, il a un impact de la culture occidentale qui est beaucoup plus marqué que d'autres japonais de son âge à l'époque. Il cite d'ailleurs des auteurs de SF américains, hein, qu'il a lu, Heinlein, voilà. Clark, Von Vogt. Donc il y a vraiment un gros impact occidental sur sur l'inspiration de Gonagai. Quand il est au lycée, à un moment, il prend une année sabbatique et il se retrouve extrêmement malade. Il est persuadé qu'il va mourir, il souffre comme un chien, il va à l'hôpital, il fait non, avant de mourir, je vais essayer quelque chose pour la postérité, je veux faire un manga. Parce que ses grands frères commençait à travailler dans l'univers du manga. Alors il s'avère qu'en fait il a juste eu une simple colite, donc c'est pour ça qu'il souffrait énormément. 3 semaines d'hospitalisation, il est sorti, et ses grands frères l'ont pris au mot et lui ont dit « Écoute, nous on peut t'orienter vers le manga ». Il va se retrouver à assister Shotaro Ishinomori, qui était l'un des disciples de Tezuka, un grand grand mangaka. Tezuka qui est, alors, Tezuka est le Astro Boy. Voilà, Tezuka était le dieu du manga, et Ishinomori était le roi du manga. Et donc il apprend à faire du manga à cette époque. Maintenant, il faut se remettre également dans un contexte éditorial par rapport au Japon. Les premiers hebdomadaires pour garçons sont sortis en 1959. Ce sont le Shonen Magazine et le Shonen Sunday. On est encore sur quelque chose qui est très inspiré par Tezuka, donc des aventures qu'on peut lire de 7 à 77 ans. Et en 1968, donc une dizaine d'années plus tard, Shueisha lance le Shonen Jump. Le marché étant bien installé, le Shonen Jump arrive avec une envie d'être très provocateur pour toucher les adolescents, donc très poil à gratter. Et c'est dans très poil tout court d'ailleurs, voilà, parce que c'est souvent assez osé. Et c'est là que commence Gonagai avec un manga qui s'appelle Alenchi Gakuen, voilà. L'école impudique en français. C'est ça. Et alors, il vous ferait passer Benny Hill pour quelqu'un d'extrêmement sophistiqué et raffiné. Voilà, c'est un humour extrêmement potache, extrêmement trash, qui choque tout le monde à l'époque, à tel point que quand il finit son manga, le dernier chapitre, on voit arriver l'association des parents d'élèves et les policiers qui arrivent dans le lycée et qui désinguent tout le monde à la mitraillette. Donc d'emblée, il explique bien ça. Donc il va y avoir un premier pilier dans son parcours qui va être cet humour très potache, très très pipi caca nichon. D'un autre côté, comme il est très inspiré par Gustave Doré, il va faire une saga qui est très très sombre, qui s'appelle Devilman. Là, on est vraiment sur quelque chose de très glauque, très très qui est la noirceur de l'âme humaine. Qui est un adolescent qui convoque un démon, qui va l'incarner. Et voilà, c'est à la fois très violent, très sexuel. Oui. C'est rempli de vagina dentata, on peut le dire. Complètement. Mais ça évoque beaucoup de choses au point de vue psychologique. Je pense que Freud aurait adoré lire Devilman. Et entre les deux, nous avons donc les robots géants. Et il y a Cutie Honey aussi. Il y a Cutie Honey, mais Cutie Honey arrive beaucoup plus tard. Donc, je croyais que c'était peu de temps après Devilman, entre Devilman et Mazinger. Cutie Honey arrive plus en 73 en même temps. Voilà, c'est ça. Donc avant Mazinger. Avant Mazinger. Et Cutie Honey qui est une androïde. Hypersexué. Voilà. Hypersexué, voilà, qui combat des femmes avec pareil des gros seins et des vagins dentés partout. C'est quand même vraiment essentiellement ça. Oui, c'est quelque chose qui lui tient très à cœur. Et à cœur, dirons-nous seulement. et donc, entre les deux, il va travailler avec Shueisha sur un phénomène qui vont être les robots géants. Il faut savoir qu'auparavant, les robots géants existaient déjà. Il y avait Tetsujin 28 qui avait été créé par Mitsuteru Yokoyama, et c'est très amusant puisque le héros pilotait son robot avec une télécommande, avec un gros joystick, c'est lui qui faisait bouger le héros. Et avec Mazinger, c'est la première fois que le robot va être piloté de l'intérieur par le pilote. Et par conséquent, on va se retrouver avec des colosses qui se battent, et quand il perd son bras, le robot, il va y avoir des giclées d'huile qui rappellent le sang, des rouages qui vont s'entrechoquer. Donc il y a un côté qui incarne vraiment le combat humain, même si on passe à travers le prisme d'un robot géant. Les gamins vont adorer Mazinger. Par la suite, il va y avoir Gret Mazinger, les gamins vont adorer. Et dans ces deux séries, le héros, c'est celui qui va être Alcor. Dans le premier Mazinger, dans le premier Mazinger, oui. Et donc, comme Alcor dans Goldorak, Koji Kabuto se retrouve être un second couteau, un second rôle, les Japonais n'ont pas supporté que leur héros devienne un faire-valoir du personnage principal. Pour ça qu'il y a un désamour des Japonais pour Goldorak. Et quand nous, on l'a reçu, on ignorait totalement ce que c'était. On voit Alcor avec son petit ovéter ridicule. Quand Goldorak débarque, on est fasciné et c'est ainsi que tout a commencé. Un mot, Denis Bajram, sur justement les travaux précédents de Gonagai. Alors par ailleurs, il faut préciser que vous avez envoyé, vous avez fait cet album avec l'imprimatur, je le disais, de Gonagai. Vous lui avez envoyé au début le projet, les storyboards, les planches. Il a absolument tout validé. Vous êtes replongé dans ses œuvres de jeunesse, dans Devilman, dans les premiers Mazinger. Quel est votre rapport? Quel rapport que vous avez-vous tissé avec lui? Alors, moi, j'ai découvert avec surprise Gonagai quelques années après avoir vu Goldorak, et c'était un vrai choc, hein, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'imaginaire qu'il y avait dans Goldorak, de découvrir Devilman, par exemple. Nous, on fait la suite de quelque chose qui est à moitié Gonagai et à moitié la Toei, en fait, parce que le dessin animé ressemble en partie à Gonagai, ressemble aussi au travail de tous les autres créateurs qu'ont été dessus, y compris au niveau des histoires. On est sur un projet qui est peut-être moins dérangeant que ce qu'il aurait été s'il avait été seulement de la main de Gonagai, je pense. Mm-hmm. Dérangeant positivement, éventuellement. Hein. Mm-hmm. Mais voilà. Xavier Dorizon, êtes-vous avec nous encore? Oui, pardon. Oui, vous m'entendez? Oui, vous avez perdu un instant. Voilà, j'ai dit que j'allais faire une confession et le téléphone a préféré couper. en fait, moi, je connaissais Goldorak version française et pendant longtemps, je ne connaissais rien d'autre, ni de Gonagai, ni de Goldorak. Et quand on a commencé à travailler sur le projet avec Denis, on s'est posé la question de savoir s'il fallait évidemment faire référence à Mazinger, à Mazinger Z, d'autres œuvres de Gonagai, etc. Et assez rapidement, on s'est mis d'accord sur un cadre assez bizarre, mais ça a été le nôtre, qui a été de dire, voilà, nous, on va faire la suite du dessin animé français, et j'ai même envie de dire plus précisément la suite de nos souvenirs d'enfance. Et peu importe le reste. Et donc, par exemple, quand les dialogues étaient différents entre la version japonaise et la version française, puisque c'était le cas de temps en temps, eh bien, nous ferions la suite des dialogues français. Mmh. Et c'est ce cadre-là et aucun autre qu'on s'est fixé. C'est un choix subjectif, mais c'était le nôtre. Et il y a une autre chose qu'il faudrait préciser, c'est que Gonagai est également quelqu'un, donc un très très grand auteur, mais c'est aussi un très très bon, je vais pas dire financier, mais il sait gérer sa société. Marketeur. Donc il a créé très rapidement une société qui s'appelle Dynamic pour gérer les droits de ses créations. Et suite à ça, quand Shueisha a vu le succès, Shueisha et Toei ont vu le succès des deux séries Mazinger, ils se disent, on va en faire une troisième dans cette voie-là, mais sans contacter Gonagai, parce que sinon, faut qu'on donne du pognon à Dynamic, et ça coûte un petit peu cher. Donc, ils ont fait un pilote qui s'appelait La Grande Guerre des Soucoupes Volantes. Mm-hmm. Gatiger. Qui est vraiment une décalque quasi-totale. Ah, c'est la première soucoupe porteuse, voilà, on est vraiment très proche. C'est du Gonagai made in Wish, en quelque sorte. Et on sentait bien que c'était pas totalement réussi. Et ils ont dû finalement, bien malgré eux, se retourner vers Gonagai pour qu'ils développent un peu mieux le projet et donc donner de l'argent à Dynamic. Mais comme Gonagai avait verrouillé un petit peu ses propriétés intellectuelles, les studios de production ont essayé de le faire dans son dos pour finalement revenir vers lui. C'est pour ça que Goldorak est encore particulier par rapport aux deux séries précédentes. Il faut non plus pas se voiler la face. Tout ça est soutenu par une industrie de merchandising très importante, puisque la première série des Mazinger s'arrête parce que la Toei ne vend plus assez de jouets. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut relancer la machine à cash. C'est exactement ça. Et franchement, entre les deux premières séries de Mazinger, on a vraiment quasiment un décalque. On change juste le design du robot principal. On change le héros. On change les adversaires. Et c'est parti. Et de toute façon, il faut bien se rendre compte que c'est pour ça qu'il y a un adversaire différent chaque semaine afin de vendre un maximum de goodies. Mais le robot principal se vendra toujours 20 fois plus que n'importe lequel de ses adversaires. Alors, si on en vient à Goldorak et si on le regarde justement un peu comme étant la troisième partie de cette trilogie des robots géants, quelle est la différence de Goldorak qui d'ailleurs, comme on l'évoquait tout à l'heure, a assez peu marché au Japon, est assez méconnu au Japon. Goldorak, c'est vraiment une histoire française ou franco-italienne. Eh bien, comme souvent, et comme se plaisait à le dire Alfred Hitchcock, le succès d'une histoire est en partie lié à la réussite des méchants. Alors, Minos, à quoi servent les sous-marins? Pourquoi n'attaquent-ils pas? Je commence à en avoir assez de cet immobilisme. maître. C'est le général Horos qui dirige les opérations. Et que fait-il ? Je l'ignore, grand stratégaire. Le général Horos ne me tient pas au courant de ses intentions. Appelle-moi Horos tout de suite ! À tes ordres. Qu'est-ce que tu attends pour attaquer Goldorak et le prince de Fort ? Nous perdons du temps. Si tu as peur, dis-le. Confierai le commandement à Linos. À tes ordres, grand stratégaire. Grand stratégaire, j'ai mis au point un nouveau plan pour vaincre le prince de Fort. Alors qu'est-ce que tu attends pour l'exécuter ? Il ne servirait de rien d'attaquer avant que chaque détail ne soit réglé. Ne t'inquiète pas, grand stratégaire. Tu vas être bientôt débarrassé de Goldorak. C'est ton intérêt, car dans le cas contraire, c'est de toi que je me débarrasserai. N'oublie surtout pas cela. Pourquoi ne me tiens-tu pas au courant de tes plans ? Je suis ton égal et j'ai le droit de savoir ce que tu prépares, Horos. Pourquoi ne me dis-tu rien ? Par fierté. Hein ? Et je n'ai pas de compte à te rendre. Envoie l'opération montgolfière. À tes ordres, opération montgolfière. Voilà, trois des quatre méchants iconiques de Goldorak, le grand Vega, le grand stratégaire, le commandant Minos. Horos, il manque évidemment Hidargos, un mot quand même sur ces méchants si particuliers et dans lesquels on retrouve peut-être, me semble-t-il, mais c'est mon analyse personnelle, la touche la plus personnelle de Gonagai. Ah ben là, quand on parlait justement de Devilman et du côté très très dark, j'ai eu la chance donc d'interviewer les auteurs de la bande dessinée et Johan Guillot, qui s'occupait des couleurs, qui a fait un travail exceptionnel, et moi partageons le même trauma quand on parle de Goldorak. On pense tout de suite à Minos, dont le visage va s'ouvrir littéralement en deux pour laisser sortir une petite sorcière qui s'appelle Minas. C'était quelque chose qui était extrêmement marquant pour les enfants, mais voilà, les enfants aiment se faire peur aussi, et par conséquent, là, c'était très très réussi. Quand on disait que justement, dans la télé de Pompidou, c'était des séries qui étaient très enfantines, très puériles, pour la première fois, on nous montrait des méchants qui donnaient les chocottes, et c'était un petit plaisir supplémentaire de Goldorak. Xavier Dorizon, un mot sur et les méchants originaux et sur la façon dont vous avez composé les deux vôtres principaux qui sont à la fois dans la lignée mais qui en même temps se démarquent très fortement de ce premier quatuor de méchants. Alors déjà, je pense que d'abord il y avait des méchants qui étaient effectivement effrayants comme Minos, mais globalement on voyait souvent, et votre extrait le montre, que les méchants se déchiraient entre eux. Il y a même un épisode connu, c'est celui du monstre Goth, où le Golgoth a vaincu Goldorak, et Minos et Horos préfèrent tuer le pilote, enfin celui qui contrôle ce Golgoth, plutôt que de voir ce nouveau général leur damner le pion vis-à-vis de Vega. Donc là, je pense qu'il y a évidemment un message un petit peu anarchiste qui dit que, grosso modo, ceux qui dirigent ont toujours tendance à penser à leur intérêt personnel avant le bien d'une nation, mais celle de Vega. Quant à nous, en fait, notre idée, au-delà de la créature et du Golgoth qui chez nous s'appelle Hydragon, l'idée était de dire qu'il fallait créer des survivants de Vega, donc c'est ceux de la division Ruine. Et tout l'intérêt des méchants, évidemment, est de pouvoir appuyer sur le vrai point faible du héros. Alors, le point faible dans sa cuirasse et ses armes, ça, c'est Goldorak. Mais son point faible mental, c'est évidemment Actarus. Et donc, on a cherché à comprendre en quoi ces gens pouvaient appuyer sur une part d'ombre, une fragilité morale d'Actarus. Et c'est comme ça qu'on a construit nos méchants. Denis Bajram. Faut réaliser en plus que l'ennemi, c'est quand même des ovnis qui attaquent. On est dans les années 70, on est encore dans la peur de l'invasion par les ovnis. Alors c'est des ovnis qui deviennent d'un seul coup des dragons, parce qu'en fait c'est des soucoupes qui s'ouvrent et finalement entre deux on retrouve un monstre dangereux. C'est ce qu'on a essayé de rendre avec notre Golgoth nous aussi, de retrouver cet esprit-là. Et de la même manière que pour les personnages, on a vraiment, c'est une espèce de dimension mythologique incarnée après dans des structures qui sont elles à plus réalistes, puisque là on a un peuple de guerriers standards et des UFO standards, entre guillemets, comme ennemi. Mais là, il y a quelque chose de passionnant, je trouve, et peut-être le point le plus réussi dans votre adaptation, sans trop en dévoiler, qui d'ailleurs fait écho à quelque chose qui est passé en sous-texte, presque de façon subliminale dans la série originale, qui est en fait beaucoup plus noire qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on entend dans la série originale, à quelques reprises, dire que, eh bien, dans chaque Golgoth, dans chaque monstre tué par Goldorak, il y a en fait l'esprit, le cerveau d'un habitant de Fort. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'il tue un monstre, il tue à nouveau l'un des membres de son propre peuple. Et dans la bande dessinée, ce que vous dites, c'est que bah, finalement, ces gens de Vega que Actarus tue par paquet, par paquet, par paquet, eh bien, finalement, c'est également un peuple. C'est certes un peuple guerrier, mais finalement, quand on tue un peuple, qu'est-ce que ça s'appelle? Bah, ça s'appelle un génocide, Xavier d'Horizon. Alors, je ne sais pas si lui-même irait jusqu'à penser que c'est un génocide, mais... C'est comme ça que ça s'appelle, quand on détruit un peuple dans son ensemble. Oui, oui, un peuple dans son ensemble, mais là, en l'occurrence, il a jamais cherché à détruire le peuple de Vega, mais uniquement la partie du peuple de Vega qui a attaqué la Terre. Ce qu'on a voulu souligner, nous, c'est qu'il y avait dans la série Goldorak un paradoxe. C'est que nous, enfants, comme les personnages de notre enfance, étions obligés de résoudre un bon nombre des problèmes par la violence. Et en même temps, nous, adultes, comme les personnages devenus adultes, avions ce minimum de recul qui est de l'ordre de l'évidence quand même, qui est que la violence peut éventuellement arrêter une attaque, mais grosso modo ne résout pas un problème, elle l'augmente. C'est le principe de l'huile jetée sur le feu. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'était de creuser cette question, c'est-à-dire à la fois cette passion qu'on peut avoir pour cette passion libératrice qu'on peut avoir pour la violence, et en même temps la compréhension du fait qu'elle ne résout rien, et proposer ça à un robot qui est une arme et à son pilote qui est un guerrier, traiter la question de savoir comment cette violence a fini par le détruire intérieurement, eh bien ça nous donnait un angle d'attaque pour créer notre ultime épisode de Goldorak. Et alors, une question également que je trouve assez passionnante et qui reboucle avec ce que l'on disait tout à l'heure, Mathieu Pinon, de Gonagai et sur ces êtres très sexués, étranges, hybrides, c'est que, eh bien, comme dans Mazinger Z, dans Goldorak, les méchants sont toujours ou souvent sexuellement ambigus. Minos et Minas. Dans Mazinger Z, c'est le baron Ashura qui a une moitié d'homme, une moitié de femme. C'est Horos qui a une petite jupette râle-pompon avec des bottes un peu SM. Enfin, ça fait vraiment partie, c'est là aussi très subliminal, mais il y a quelque chose de l'ambiguïté sexuelle qui définit ces personnages maléfiques. Là, je pense que justement, quand je disais que si Freud s'était plongé un peu dans l'œuvre de Gonaga, il aurait trouvé vraiment matière à profusion. Je pense que là, de ce côté-là, c'est on est dans les années 70. On est en pleine révolution sexuelle un petit peu partout dans le monde, sauf au Japon. Hein. Le Japon, il y a eu une petite démarche féministe qui est arrivée, mais ça restait très très restreint par rapport à ce qu'on a pu voir en Occident. Et il y a un côté, le rapport au sexe, à la sexualité surtout différente, surtout quand on est encore un jeune enfant, c'est pas forcément évident. Mais je le rappelle, Gonaga a commencé avec une BD qui flirtait pas mal avec l'érotisme pour ses gags potaches. Par conséquent, c'est quelque chose qui est toujours en lui et il sait que ça taraude les adolescents. Et donc c'est normal de rajouter ça. On pourrait presque regretter que ça soit uniquement du côté des méchants et que la question ne se pose pas du côté des gentils. Parce que, cela dit, la fin de Goldorak, la série télé, alors là, je spoil une série qui a 40 ans d'âge, donc ce n'est pas dramatique en soi, mais quand même, Actarus repart sur Euphor pour repeupler la planète avec sa propre sœur. Donc, il y a des tout thèmes. Tout de suite, un indice chez vous. Tout de suite, il y a des thèmes qui sont quand même un petit peu étranges. Denis Bajram ou peut-être Xavier d'Horizon, cette question autour de l'ambiguïté sexuelle des méchants et de ce duel, pareil. Alors, on va peut-être un peu spoiler la série, mais le lien finalement entre Minos et Minas qui se détestent et qui finalement un lien de d'amour, haine, presque là aussi un peu incestueux. C'est pas un fil que vous avez souhaité exploiter dans la bande dessinée? Alors, pour ce qui est du personnage de Minos et de Minas, je pense qu'il n'y a pas besoin de bien connaître Freud pour rapidement voir un personnage chez qui s'affronte le ça, qui est d'ailleurs féminin et un surmoi masculin. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que d'abord, Goldorak en lui-même a une large part de fantasmes sexuels, c'est évident. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes enfant, vous imaginez que d'un instant à l'autre, vous allez devenir plus grand, plus puissant dans tous les sens du terme, en rentrant dans une armure de métal qui va vous grandir. Je vous invite à faire un zoom sur le slip métallique de Goldorak, et vous verrez qu'il y a quand même quelque chose de dressé à un endroit bien particulier. Là, je vous laisse tirer les conclusions. Et non, mais c'est vrai, regardez. Il y a une grosse braguette. Voilà, et puis elle est bien relevée, elle est en pointe vers le ciel. Et quant au personnage de l'équipe, c'est intéressant de voir comment Vénusia, qui au départ est une petite mijaurée, une sorte de maman castratrice, va devenir une vraie femme épanouie. Donc de ce point de vue-là, c'est une série plutôt féministe. Et puis, on va avoir arrivé une femme libérée, qui n'hésite pas à damer le pion aux hommes dans le rôle de Phénicia. Et quant à Actarus, c'est vrai, bon, il a connu une sorte de drame d'amour d'enfance avec Végalia qui s'est mal terminée. Et maintenant, il a décidé de ne plus être amoureux, de vivre dans une sorte de frustration monacale assez terrifiante. Et quelque part, le seul adulte dans l'histoire, c'est Alcor, mais qui se retrouve face à tous ces personnages un peu névrosés, dans une forme de célibat imposé. Enfin, vous voyez, c'est très sexuel, Goldorak. Denis Bajram ? Oui. Tout a été dit, je pense. Ah, d'accord. Non, il y a peut-être le côté extension du corps qu'on pourrait développer, parce que en fait, on dit souvent robot géant, mais pas beaucoup de côté. Goldorak, c'est plutôt une armure géante. Mm. On est plus proche d'Iron Man, dans lequel on rentre pour devenir plus résistant et plus fort. Alors bon, là, c'est l'armure d'Iron Man qui fait 30 mètres de haut, quoi. Mm. Mais alors là, enfant, avant la sexualité, le rêve de puissance, il est clairement accompli avec Goldorak très facilement. Je pense que la fascination qu'on avait pour le robot géant, qu'on pouvait conduire soi-même, qui nous transformait d'un seul coup dans le grand frère qu'on aurait aimé avoir dans la cour d'école avec nous, c'était réel. Donc là, c'est la pré-sexualité. Et puis un mot tout de même, parce qu'on n'en a pas parlé, sur cet autre méchant, rapidement, qui est finalement peut-être le moins lâche et pourtant le plus férocement néo-nazi, ou en tout cas l'image d'une forme d'extrémisme autoritaire. C'est évidemment celui d'Idargos qui, lui, mourra au combat. Exearoth. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que j'arrête Goldorak, n'importe quoi. Bonne chance. Prince de Fort, tu l'as payé maintenant. Voilà, il balance tout ce qu'il a, Goldorak. C'est la fin de l'épisode 26 de la saison 1, Les Bords de l'Abîme, où Idargos va lancer le navire amiral contre Goldorak. Peut-être finalement celui que l'on pensait le plus veule, le plus pleutre, le plus tordu, et finalement le plus vaillant, et celui qui a le courage d'aller mourir en face à face devant son ennemi éternel. Peut-être une petite hagiographie rétrospective d'Idargos, Mathieu Pinon. C'est pas le, enfin oui, c'est le plus veule, mais c'est pas forcément le plus pleutre. Pour moi, Idargos, c'est le is no good du Candéa. Il veut devenir le grand stratégaire à la place du grand stratégaire. Dès qu'il peut mettre un coup de couteau dans le dos à ses alliés pour pouvoir prendre tous les honneurs, il va être là. Mais il n'oublie pas sa fonction première, qui est d'abattre Actarus. Mmh. Et donc, le moment où il voit que les autres sont incompétents et que en allant se battre contre Actarus, on peut récupérer tous les lauriers de la gloire, et ben, il monte au front. Il monte, certes, plus par intérêt personnel, comme le disait très très bien Xavier, et c'est lui qui va se faire justement, qui va se faire avoir à son propre jeu, puisque ses camarades vont préférer le voir crucifié plutôt que récupérer la victoire. Xavier Dorizon, un mot sur vos méchants à vous, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Heroes Darken et Chaos, qui sont les deux visages de ces derniers survivants de la division ruine. Comment est-ce que vous l'avez pensé, construit, conçu? Bah, il faut comprendre qu'au départ, quand on a commencé à écrire l'histoire avec Denis, on avait un problème, c'est que les forces de Vega étaient censées être mortes. Mmh. Normalement, l'histoire était terminée. Et puis, on s'est souvenu qu'il y avait cette division ruine et qu'elle pouvait avoir mené des missions coloniales tout au long de l'espace. Et donc, on a décidé de les rameuter, en fait, pour avoir un nouvel ennemi. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce qu'on cherchait, c'était un ennemi qui soit capable de percer la cuirasse. C'était un ennemi qui soit capable de faire vraiment mal. Et donc, en termes de Golgoth, il fallait trouver un Golgoth que Goldorak ne puisse pas battre. Parce que s'il suffisait d'un coup de Cornofulgure et d'Astéro-H, notre album allait faire 5 pages et ça aurait été trop court. Et plus sérieusement, il fallait aussi que, en plus d'une arme absolue, on trouve des gens qui soient capables de tenir un discours déstabilisant à Actarus. Et c'est vrai que trouver des méchants qui soient capables de dire à Actarus et finalement aux Terriens, écoutez, vous avez une planète entière, nous on n'est pas si nombreux que ça, donnez-nous un petit peu d'espace, on ne demande pas plus, et moyennant quoi, on vous fichera la paix. Eh bien, c'est vrai que c'était de placer face à un dilemme. Pourquoi se battre contre des gens qui ne demandent que ça? Et une fois qu'on a conceptualisé ça, il suffisait de trouver des personnages qui incarnent cette opinion. Denis Bajram, un mot sur l'Hydragon, parce que il y a un seul Golgoth, Goldorak. Eh bien, c'est le plaisir du monstre de la semaine de voir le prochain Golgoth, etc. Vous avez choisi non pas de multiplier, mais d'en avoir un seul. Le poids était, j'imagine, important de faire le Golgoth effectivement le plus redoutable, le plus innovant, le plus terrible. Et il est effectivement assez distinct des Golgoths et même des Monstrogoths de la troisième saison. Oui, alors l'idée est venue au départ de ce que j'avais réfléchi par rapport à Goldorak. Il y a des problèmes sur Goldorak. Quand il plie le bras, on a deux cylindres emboîtés. Normalement, on devrait voir un gros trou qui apparaît. Or, c'est jamais le cas. Donc, il y avait des solutions techniques que j'avais recherchées dans mon coin, mais depuis longtemps, tout gamin. Et j'imaginais qu'il était construit en petites plaques, en fait, qui pouvaient bouger, qui pouvaient se modifier. On en voit quelques traces sur le quatrième de couverture de l'album, parce que quand on regarde le fulgure au point dans le lac, on voit ces petites plaques dessus. Mmh. Et de cette idée-là est venue l'idée qu'en effet, il était en partie modifiable et que son ennemi pourrait être totalement modifiable. Donc un métamorphe intégral technologique. Donc c'est un ennemi qui prend l'apparence qu'il faut pour vaincre Goldorak à chaque fois. Quoi. C'est sans doute le plus dangereux des Golgoths, parce qu'il est tous les Golgoths à la fois s'il a besoin. Quoi. Mmh. On arrive à la fin de cette émission. Un mot peut-être pour la suite. Est-ce que cet album a une suite possible? Est-ce que vous envisagez un prochain album, Xavier Dorizon? Écoutez, je crois que toute l'équipe de Goldorak a donné énormément pendant 5 ans. On a tous eu un peu l'impression, avec grand plaisir d'ailleurs, de gravir l'Everest. On est arrivé à ce qui nous paraissait un sommet. On a, je pense, dit ce qu'on avait à dire. Et pour l'instant, on a envie d'en profiter et on n'a pas envisagé de suite pour l'instant. Voilà. Denis Bajram, ça vous fait pas envie d'y retourner ? Il y a un mélange d'envie d'y retourner, parce qu'on a toujours l'impression qu'on pourrait faire d'autres choses, mais en toute franchise, y retourner, c'est tous les 5, avec l'énorme envie qu'on a eue jusque-là retrouvée pour tous les 5. Mmh. Voilà, donc j'envisage pas d'y retourner si Alexis a pas envie d'y retourner autant que moi à ce moment-là, si Xavier a pas envie d'y retourner. Donc je pense, avant qu'on soit tous remis de cette expérience, il va falloir quelques années. Il faut dire, Mathieu Pinon, que Gonagai y est retourné en manga. Il y a un Mecha Grandizer, comment il s'appelait? J'ai perdu le nom, mais qui est sorti il y a 3-4 ans. Ah, il y a eu un film d'animation pour fêter les 45 ou 50 ans de Grandizer qui était sorti et qui surtout pour la première fois intégrait vraiment la 3D. C'était un Mazinger, c'était pas un Grandizer. C'est un Mazinger, mea culpa, qui était très très très très chouette et qui quelque part portait quand même encore des racines historiques. Historique très très ancré dans les 70s, notamment dans le traitement de la femme. Ceux qui l'ont vu sauront de quoi je parle, mais qui était vraiment passionnant pour l'impact de la 3D dans l'univers de Gonagai. C'était un Grandizer Giga qui est sorti en 2014 en manga, déjà, pas d'anima. Mais il y a l'anime il y a 3 ou 4 ans. Et peut-être qui sait, un jour, une adaptation live action au cinéma. On peut toujours rêver. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois. Merci Mathieu Pinon, Xavier Dorizon, Denis Bajram. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre excellent Goldorak, d'après l'œuvre de Gonaga, est séché Cana édition classique. La méthode scientifique, eh bien, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Némine Aguette, Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Olivier Bétard à la réalisation et Hugo Renard à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.